Ok. Chino, Jikma. Dans cette vie, on aurait pu être de tout. Même des gens que tu peux même pas t'imaginer. Faut arrêter de se plaindre. Ça sert à rien de se plaindre pour rien. Parce que ton portable capte pas. Parce que t'as pas assez à manger sur la table. Ou parce que tu t'entends pas avec les gens. Écoute ça, écoute ça. J'aurais pu être ce fils de paysan à passer mes journées dans un champ. J'aurais pu être cet artiste qui perd sans avoir fait de chant. Celui qui met feu sur scène, qui lance la sauce en larcène. Ou faire du saut sans élastique comme ma vie tient qu'à une fille. À dire adieu à la femme que j'aime sur un coup de fil. Quand un boy il me fait face, j'aurais voulu faire pile. Ou être soliste, frapper fort, faire voir que je suis solide. Toujours le sourire même quand j'ai rien dans le vide. Et dans la nuit, m'endormir triste dans ce grand lit froid. Sans toi, me réveiller sans mélodie, sans odeur ou là. J'aurais pu être cet animal qui agite dans l'ombre. Qui traque ses poings pour baisser ses pantalons. Voulait la fierté, l'honneur d'une femme violée qui meurt de honte. J'aurais pu être enfant de mineur, vivre dans la froideur de l'hiver. Il trimait pour la misère, pour survivre. J'aurais pu être ce sans-papier en terre étrangère. À vivre avec leur caractère, avec leur regard de travers. Dans cette vie, on aurait pu être des gens que l'on ne peut rêver, ou alors pas longtemps. Toi qui te plains quand t'as pas ce que tu veux. De bon matin, remercie le bon Dieu. Regarde ailleurs, tu verras qu'il y a pire. Cessez vos pleurs, retrouvez le sourire. Regarde ailleurs, tu verras qu'il y a pire. Cessez vos pleurs, retrouvez le sourire. J'aurais pu être ce gars qui galère tant dans sa vie. Qui à table n'a pas de plat, qui se nourrit que de pain gris. J'aurais pu être solitaire, aussi touché la misère. Un enfant sans père et mère qui se voit seul sur la terre. J'aurais pu être jaloux toi qui a des deux jambes et qui est bien. Alors que moi je suis comme ça, sur mon fauteuil de bon matin. J'aurais pu être un jeune homme vivant des Champs-Élysées. Comme j'aurais pu être dans l'ombre en étant paralysé. J'aurais pu être ce pauvre qui galère pour des Adidas. Et je pourrais augmenter la hausse du taux du virus du sida. J'aurais pu être adolescent pour qui sa vie est illusion. Comme j'aurais pu être un enfant qui souffre d'une malnutrition. J'aurais pu être un fou, ne penser qu'à faire des meurtres. D'avoir une vie sans atout et de coucher sans faire de fleurs. J'aurais pu être ce rappeur qui rêve de l'aide depuis à tôt. Et de mettre la France en pleurs rien qu'en prononçant Chino. Dans cette vie on aurait pu être des gens que l'on ne peut rêver. Ou alors pas longtemps. Toi qui te plains quand t'as pas ce que tu veux. De bon matin, remercie le bon Dieu. Regarde ailleurs, tu verras qu'il y a pire. Cessez vos pleurs, retrouvez le sourire. Regarde ailleurs, tu verras qu'il y a pire. Cessez vos pleurs, retrouvez le sourire. J'aurais pu être cet enfant fauteuil roulant. Ne pas pouvoir m'échapper en courant. Jouer au foot ou au cerf-volant. J'aurais pu être sur mon lit d'hôpital malade. Attendre mon heure, dire adieu à la famille et leur bonheur. J'aurais pu être ce type banal. Boulot dodo, la vie classique, le monsieur tout le monde. Avant de miser mes quelques sous dentaires sur l'auto. Espérer quitter cette vie monotone. Cocktail au soleil, mais en attendant c'est l'automne. J'aurais pu être ce pseudo MC que toute la France crie. J'aurais voulu écrire pour que mon blase brille. Contre des Chikma, tiens v'là ton disque d'or. Mais je me vends pas même si y a un truc qui sort. On aurait pu être ces rappeurs que les gens apprécient tant. Dans les rires et dans les pleurs afin de passer du bon temps. On aurait pu faire des scènes, on aurait pu être aimé. Et nous dire qu'on nous aime si vous saviez ce que ça fait. Et nous dire qu'on nous aime si vous saviez ce que ça fait. Dans cette vie on aurait pu être des gens que l'on ne peut rêver. Ou alors pas longtemps. Toi qui te plains quand t'as pas ce que tu veux. De bon matin, remercie le bon Dieu. Regarde ailleurs, tu verras qu'il y a pire. Cessez vos pleurs, retrouvez le sourire. Regarde ailleurs, tu verras qu'il y a pire. Cessez vos pleurs, retrouvez le sourire. Dans cette vie on aurait pu être des gens que l'on ne peut rêver. Ou alors pas longtemps. Toi qui te plains quand t'as pas ce que tu veux. De bon matin, remercie le bon Dieu. Regarde ailleurs, tu verras qu'il y a pire. Cessez vos pleurs, retrouvez le sourire. Regarde ailleurs, tu verras qu'il y a pire. Cessez vos pleurs, retrouvez le sourire. Thank you.